His life unto this soul of mine, my Jesus, His life unto this soul of mine, Jesus Christ, my Lord divine, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, He is life unto this soul of mine, Jesus Christ, my Lord divine. Es la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, He is life unto this soul of mine, Jesus Christ, my Lord divine. Des temps de catastrophes qui vont venir sur cette terre, des temps bien pires que ceux qu'on a vus à date. Pour ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, ce sera réellement terrible. Si tu t'ennuies du temps où les princes charmants allaient dans les églises pour regarder les filles, si tu t'ennuies vraiment de ce moment touchant où le peuple à genoux dans un spasme ludique adore et te tremble. Vu sous un certain angle, la Bible est un livre de guerre. Sentez-vous pécamineux ce soir? C'est un spécial consacré à la musique du Seigneur. On a entendu Dominique interprété par le groupe Odeur. Si tu t'ennuies du temps des granules, qui était chanté par l'incroyable René Lucier, celui-là même qui a fait la trame sonore du Moulin Images. Et on a entendu Jesus Christ, My Lord Divine, de Jimmy Mitchell. Bon. Qui est Jimmy Mitchell? Mitchell. Si vous regardez sur Internet, vous allez tomber sur plein de chanteurs différents qui portent exactement ce nom-là. Des joueurs de football. C'est un nom extrêmement commun. Mais le Jimmy Mitchell qu'on cherche, là, regardez sur le site WFMU.org. Vous pourrez télécharger un album sur le 365 Days Project. Et je vais essayer de vous donner la description de Jimmy Mitchell. Donc c'est un chanteur qui est un petit peu... qui a des petits problèmes de santé mentale. Et les enregistrements ont été faits au Texas au début des années 90. Et là, je vais vous dire en anglais qu'est-ce qui est le reste, et je vais essayer de le traduire après. These 11 performances are a stunning incandescent triumph. Donc, toutes ces chansons sont étourdissantes et représentent un triomphe incandescent. Mitchell represents not only pure and uncorrupted musical genius, donc il représente un génie non corrompu et pur de la musique, but the indomitable nature of the human spirit, la nature indomptable de l'esprit humain. Donc Jimmy Mitchell, merci beaucoup. 11 pièces gratuites à télécharger. Et qu'est-ce de plus, vous avez reconnu sûrement la pièce Dominique et Nick, qui est à une époque où c'était les musiques rock là, qui atteignaient les hauts du palmarès mondial musical. À un moment donné, la chanson Dominique, qui était chantée par une nonne, s'est retrouvée dans les top charts. Et c'était cette pièce-là, Dominique, interprétée à la guitare par Sœur Sourire. Et Sœur Sourire, il y a un film qui sortait sur elle, c'est quand même un personnage assez particulier. Elle se faisait prendre évidemment tout son argent de ses... Elle a fait beaucoup, beaucoup d'argent avec sa chanson, mais elle n'a pas vu une maudite scène. C'était sa congrégation religieuse qui confisquait tout pour Jésus. Et puis, après ça, elle est devenue lesbienne. Elle s'est mise à faire encore de la musique. Elle est tombée dans la drogue. Quand même pas mal intéressant, parce qu'elle a défroqué. Très intéressant, Sœur Sourire. Regardez ça sur Internet. Ou emprunter le... Louer le film sur sa vie, pourquoi pas. Donc ce soir, spécial Pécaminoserie au Cercle Aquatique Magique en compagnie de François G. Couillard. Pourquoi on n'ira pas écouter maintenant un peu de gospel music à la gloire du Seigneur? Dans ce dernier livre, le sort qui attend les ennemis de Dieu est décrit en termes très graphiques dans Zacharie chapitre 14, verset 12. En voici la lecture. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » Well, you rock my soul. Buzz on my Abraham, you rock my soul. Buzz on my Abraham, you rock my soul. Buzz on my Abraham, you rock and rock and rock. Hey, Lordy, Lordy. Lord, rock my soul. Rock my soul. Well, the rich man lives. Hallelujah, Jesus. Je vais entendre deux pièces. C'est ce qu'on appelle la musique gospel. La gospel, c'est des musiques évidemment qu'on chante dans les églises peuplées de noirs, dans le bayou, dans un marécage aux États-Unis. Et oui, on a entendu la pièce Rock My Soul et I've Been Mourning in the Valley. Dans le fond, c'était pas vraiment une pièce, c'était plus un gars qui gueulait quelque chose, un message profond, venant de son intérieur profond. Et on a entendu des extraits de la fantastique Radio Espoir. Je sais pas si ça fonctionne encore. Allez voir ça, radioespoir.ca. C'est une secte protestante, les évangélistes, qui décrivaient de façon graphique le sort qui attendait les infidèles. Ça, c'est tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Alors, leur langue tomberont en pourriture dans le fond de leur bouche. Dirigeons-nous maintenant vers un petit bloc hommage à Sekaya. Pourquoi pas? J'ai eu l'honneur de participer dans une des dernières émissions là, animées de la station avant que ça tombe. C'est comme une espèce d'ordinateur là, qui joue en ce moment, qu'il n'y a pas vraiment de personne en onde, c'est juste de la musique qui joue en boucle. Alors écoutons quelques pièces trouvées, quelques vinyles, des pièces venant de vinyles trouvées dans la vente de garage qui a eu lieu à Sekaya juste avant la fermeture et qui ont joué dans les dernières heures de Sekaya. La première pièce, c'est une pièce de Miss Mills. Un projet de loi, aussitôt qu'il y a un débordement ou qu'on enfreint les règles qu'on a établies au départ, tout policier a le droit de bûcher le plus fort possible sur tout ce qui ne respecte pas les règlements. Que vous auriez dû mériter hier, là, c'est que je débarque en matraque et que je vous assomme tout un par un. Old Oceanburg had a gal way down in Tennessee. Now she told Lucian all about evolution as she would sing down on his knee. Well, one neighbors all could hear him shout. He said, "Evolution, mama, evolution, mama, don't you make a monkey out of me." Well, evolution, mama, don't you think you got me up a tree? Why, I remember the time you had me nice and tame. I was eating right out of your hand. Now some fine day, I'm gonna take that aim and knock that peanut whistle right off your stand. Evolution, mama, listen while I get you told. But what I'm gonna tell you is gonna make your blood run cold. Well, I ain't half man and I ain't half beast, but I can do you more good than this here store-bought yeast. Well, evolution, mama, don't you make a monkey out of me. I'll do it myself. Could be relatives. You gotta watch out for this kind of friend. I know. Evolution, mom. Sweet smelling mama. Don't you make a monkey out of me. Well, evolution, mama. Don't you think you got me up a tree? It's like three. I do recall the time you had me nice and tame. I was eating right out of your hand. But one gun, I'm gonna carve on you if you stand still, shoot you if you run. Evolution, mama, don't you make a monkey out of me. Consacré à Sekaiya. C'est des pièces qui ont... C'est des pièces qui ont joué juste avant que la station tombe en hibernation. Alors, on a entendu Evolution Mama. C'est un vinyle qui avait été choisi par Alain Lancette. Ça vient du Frisco Jazz Band. Un excellent groupe de jazz. Vraiment, vraiment bon, intéressant. On a entendu aussi une pièce que je ne pourrais pas nommer d'un album qui s'appelle Banjo Back to Back. C'est essentiellement un album, un vinyle de banjo. Et puis j'ai dû acheter ça 50 cents. Et on a entendu une pièce de Miss Mills, la pièce titre. Encore une fois un instrumental, c'est du piano. Encore une fois, trouvé dans la vente de garage de Sekaiya. Pas mal intéressant. Miss Mills, qui est de son vrai nom, Gladys Mills, était une pianiste qui jouait de la musique populaire en l'Angleterre dans les années 60. Et elle partageait ses studios avec qui? Avec les Beatles. Et elle avait même un agent qui travaillait pour les Rolling Stones. Et elle avait beaucoup, beaucoup de succès avec ses chansons, ses tunes au piano. Et si vous allez voir sur YouTube, vous tapez Mrs. Mills, vous allez la voir, elle a l'air d'une vieille ménagère boudinée. Puis elle se prend pas au sérieux, c'est assez drôle. Miss Mills, elle n'a pas confondre avec Miss Miller, justement, une autre grande, grande, grande musicienne. Jouer de la musique avec une burqa sur la tête, est-ce possible? A burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. The sky over Kabul is also very blue. The blue is from the burqa, burqa, burqa, blue. My grandma wears a burqa and my grandpa does it too. I will wear this burqa, but only just for you. Blue, blue, blue, burqa, blue. Burqa, you don't know who is who. If you want to meet your sister, it can be your uncle too. Blue, blue, blue, burqa, blue, blue, blue. You give me all your love, you give me all your kisses, and then you touch my burqa and do not know who is it. My mother wears blue jeans now, and I am so surprised. The things are changing faster, I don't know if it's right. Pas pour eux autres pantoute. D'après moi, je suis arrêté au coin de la rue, c'est à Saint-Dô, là. Je pense à ça avec mon char. Number at all your common places. Number posters of cute faces. Number I don't know what they say. Number they just stare for a week. Number when I was walking through the streets, pictures of people with no suit. Why is the girl so naked at the station where I wait? Number I understand their meaning. That soap is not for cleaning. And cars are not for driving. And bodies not for hiding. Number can no. Huh? Number can no. Huh? Number can no. No. Number can no. Hmm? While I was waiting for the bus, his apprentice scanned too much. Naked boys and naked girls are selling news and cars. And why do you look so sad? No. In this paradise, huh? You have enough to be, but you're not satisfied. Deux pièces du groupe Burka Blue. On a entendu la pièce No Burka et Burka Blue Band. Alors, ce sont bel et bien des femmes, c'est un groupe de femmes, trois femmes afghanes qui chantent et jouent de leurs instruments avec les burkas. Parce qu'évidemment, sous le régime des talibans, c'est interdit la musique. C'est interdit aux femmes d'avoir du plaisir. Alors, encore aujourd'hui, ils doivent se cacher, même après que le Canada ait apporté la liberté, les bombes au napalm et la démocratie en Afghanistan. Le groupe s'est fondé après qu'il ait rencontré un producteur allemand. Et il devait tourner des vidéos de leurs clips en cachette. Et là, ils ont enregistré leur musique, ils l'ont envoyé en Allemagne, et ça a été un hit! Ça s'est mis à tourner dans les clubs. Là-bas. Et puis ça connaît beaucoup de succès. Et puis là, les filles ont eu peur après ça de se faire reconnaître dans la rue en Afghanistan. Ils pensaient avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous voulez des fois pour jouer de la musique, là? Il faut être très brave, il faut peut-être même des fois risquer sa vie. Ne pas aller écouter un petit bloc punk. Vous êtes toujours en compagnie de François Gécouillard et c'est le Cirque Aquatique Magique. Tchernobyl, Tchernobyl, j'ai peur au Tchernobyl. Les atomes détruisent la ville, les poumons faits de vinyle. Une gaffe parmi les autres, une erreur, c'est pas leur faute. Un génocide involontaire, on respire-tu la mort dans l'air. J'ai peur au Tchernobyl, j'ai peur au Tchernobyl, j'ai peur au Tchernobyl, j'ai peur au Tchernobyl, j'ai peur au Tchernobyl, j'ai peur au Tchernobyl. Quand vous faites des manifestations en cochon, où ce que vous barrez les rues au complet, où ce que vous respectez pas l'entente que vous avez faite avec les policiers, quand vous vous asseyez en plein milieu de la rue, même pendant que la lumière est verte, moi, pour moi, il y a un problème. Je vais faire un petit mec, ça paraît vraiment bon. Oh! Déjà fini! Moi, je passerais un projet de loi aussitôt qu'il y a un débordement ou qu'on enfreint les règles qu'on a établies au départ. Tout policier a le droit de bûcher le plus fort possible sur tout ce qui ne respecte pas les règlements. Tu finiras par croire, tu hallucineras des anges en regardant dans le miroir. Au bout de quelques années, j'ai Petit bloc punk, pourquoi pas? On a entendu Banlieue Rouge. Deux pièces de Banlieue Rouge. Aide-toi et le ciel t'aidera. On a entendu, une partie d'une pièce de Gogol Premier. Ennemi public numéro 1. Gogol Premier qui se prend des fois un peu trop au sérieux, puis c'était un peu plate, franchement, là. Gogol Premier qui a déjà appuyé Ségolène Royal au présidentiel en France. Oh là là, quel personnage subversif. Et on a entendu aussi Tchernobyl. Une pièce, ma foi, qui est encore très d'actualité avec des choses comme Gentilly 2, puis Fukushima, etc. Banlieue Rouge. Je pense que c'est un groupe anarchiste, puisque sur leur vinyle, il y a une espèce de chat noir. C'est le symbole de l'anarcho-syndicalisme, si je ne m'abuse. Je ne suis pas un grand expert de ces affaires-là, comprenez-vous. Banlieue Rouge qui est séparé depuis 1999. Une partie du band qui a continué dans Corrigan Fest. Et le chanteur est allé fonder le groupe Akuma. Et sur leur site, parce qu'il y a encore un site, banlieuerouge.propagande.org, on dit ceci. Banlieue Rouge est en litige avec son ancien label sur la possession des droits de disques. Les disques présentement en vente dans les magasins du Québec sont des pirates. Malgré un contrat échu et non renouvelé, malgré plusieurs années de non-paiement de la part de tirs groupés, ceux qui distribuent le disque, ceux-ci continuent de presser et de vendre les albums de Banlieue Rouge. Les disques français sont quant à eux distribués par Combat Rock qui verse des redevances non pas au groupe directement, mais bien à Fusion 3 qui ne les redonne pas au groupe. Le groupe n'ayant pas les moyens financiers de poursuivre tirs groupés en cours, nous ferons comme nous avons toujours fait, utiliser les moyens à notre disposition pour sortir vainqueur. Et on peut trouver toutes les tunes de Banlieue Rouge sur leur site internet et les télécharger gratuitement. Alors, servez-vous. On est dans le dossier, dans le thème aujourd'hui, les pécamiseries, donc les péchés. Et s'il y a des gens qui font beaucoup de péchés à ce temps-ci, c'est les politiciens. Alors, pourquoi pas, trois semaines de fil, un bloc au moins consacré à la politique. On va maintenant écouter une pièce assez mauvaise, peut-être qu'on l'écoutera pas au complet, qui s'appelle « Les yeux ouverts ». Ouvrons les yeux, se croit prince et noir. Déjà, ils oublient que c'est notre pouvoir. les méchants conservateurs aux prochaines élections. On va les battre. Vous écoutez le Cirque Aquatique Magique à CKRL en compagnie de François Jacouillat. Contre l'illusion pour notre nation. Ouvrez les yeux, vous laissez plus faire. Ce ne sont pas des dieux, mais plutôt des vipères. Ce gouvernement comme un conservateur. Finissons-en les conservateurs. Ouvrons les yeux. Finissons-en. Ouvrons les yeux. Finissons-en des conservateurs. Ouvrons les yeux. Je découvre soudainement une furieuse envie d'aller voter. Dites-moi où puis-je trouver une urne pour y insérer un bulletin de vote. On vient d'entendre l'excellente pièce Nixon Now, More Than Ever. C'est la pièce thème de la campagne électorale du retour de Richard Nixon, président des États-Unis, lors de sa deuxième... C'était-tu assez bon? On avait le goût de voter. Et juste avant, c'était Olivier Bégin-Caouette qui a fait une pièce qui s'intitule Les yeux ouverts, qui est un pamphlet contre Stephen Harper, le méchant premier ministre canadien. Olivier Bégin-Caouette, à un moment donné, je me suis retrouvé à faire la permanence de Sequoia. Vous venez pas m'expliquer, de me demander pourquoi. Et puis là, je reçois un courriel de M. Bégin-Caouette qui dit « J'ai composé une pièce, je suis en Allemagne, mais je veux faire ma part pour les élections fédérales. » Alors j'ai composé une pièce pour ce méchant premier ministre. Et je vous l'envoie et j'espère que vous allez beaucoup l'apprécier. Alors c'est probablement la seule et unique fois que ça va tourner à la radio au Québec. J'en suis fier. Ce ne sont pas des dieux, mais bien des vipères. Et oui, ça va être la fin de cette émission du Cirque Aquatique Magique. Si vous voulez écouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. peut-on comme. Et on va se laisser sur une pièce absolument extraordinaire qui s'intitule Le premier du mois, qui est de notre sympathique ami anarcho-chrétien Alex Drapeau. À la semaine prochaine. De la semaine sainte, presque autant que de la semaine verte. Mais il y a 12 jours dans l'année que je peux pas m'empêcher de fêter le premier du mois. Le premier du mois, 588 Bobidou down in my bank account. The first of the month. The first of the month. C'est l'apocalypse de mes problèmes. C'est la Pâque carême. La terre en tremble, c'est l'abondance. C'est aussi doux qu'une deuxième chance. Le premier du mois, le premier du mois. Je pars en trombe à l'épicerie, j'achète au moins 15 kilos de riz. Avec des pâtes, la sauce tomate, 30 à 40 kilos de patates. Le premier du mois, le premier du mois. Tant que le soleil va briller et qu'il y aura des épiceries. Tant que je pourrai me louer un loyer avec Sylvie. J'apprendrai mon mal en patience en pensant au bon côté. Tous les jours sont comme dimanche, sauf le jour du premier. Ah ouais, tout le monde ensemble! Les caissières au Dollarama appréhendent le jour premier. C'est la cohue dans le centre d'achat, c'en est un vrai rat de marée. Je paye mon loyer pis de quoi manger, des cordes de guitare et des crayons, de la soie dentaire et des savons, et puis me v'là encore cassé. Refrain. Le premier du mois. Le premier du mois.